Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilus, les habitants de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord et le comité de mesures extraordinaires pour la terre sacrée de Songju du bouddhisme Won ont tenu le 24 mai à la commune de Seosong du canton de Cheozon de l'arrondissement de Songju une conférence de presse pour réclamer l'interruption de l'application du radar de Saad et le retrait de sa disposition.